Ok. Mon patrimoine. On navigue entre le bien et le mal. Patrimoine du ghetto. J'aimerais avoir un plus jamais sans voile mandat. Les épreuves seraient son tien, suicide pas comme Dalida. Une charlap, une pète fila pour Walida. Fous-moi, c'est comme une dette, appelle les détails sur la véranda. L'échec m'est inadmissible, échec pour calmer nos dalles. Pour nos gauches, flip line, soit transmissible. Besoin d'espace, la place d'un lion n'est pas en cage. Et qui s'en cage, mon talent, y'a du talion dans l'engage. Elles sont utopistes, les meilleures causes à défendre. On se lève au bord du précipice, et pour ne pas voir nos chances fondre. En deux, j'ai vu ma nation se fendre, par le biais de ma narration. Une vérité pourtant facile à comprendre. J'ai rien, j'vais entreprendre, j'passe mon temps prétendre. De l'armée 200, pareil que le monde a changé depuis le 11 septembre. J'vais pas m'étendre, ma souffrance en France. J'ai vu la flamme s'étendre, l'ignorance répandre sans cesse. Or ça c'est passé qui nous fait plonger. Quand il est chargé, peine à purger, à peine sorti que tu deviens insurgé. Et ça ressurgit, rime interne comme l'hémorragie. Ne décèse, on nous pisse dans le pédale les origines. Vas-y chante petite carbone. J'allume mon bar pour tous les mecs en garde. Vas-y chante petite carbone. Impossible vendre colombe, sortir d'un kilo de coke. Utopique comme la paix en bas des blocs. J'ai les larmes de nos mères sur la tête de mon glock. Elle ricoche dans les têtes, la basto chapeau du glock. Trop de dope. Un crépuscule est aube, ça c'était merde. Porte de l'enfer, la bacro. Dès qu'importe la période, tu plonges et ça te vivre en fraude. C'est prendre la voie de la rédemption chaque fois que la mort nous fraude. Désespérément, cherche la lumière, veut qu'on se perde dans le noir. Du en juin, se transmet la paranoïa. Personne ne voit quand tu te noies, cagoulé. Ça viscère la mort avec des mains moites. Et nos mères font des doigts. Ça fout le hell en bas, esquive les frères du jamais. Quand ils font d'awa dans une brume d'aïa. Les yeux rouges et pas le hashish. Nous voilà revenus à l'époque de la jahiliya. Trop de vis, comment lui dire à mon fils. Hier papa s'est fait frapper par la police. Comment lui dire. Enragés sont les novices. Calibrés, colissards, veut à nos vies. Et c'est des larmes de sang qui coulent chaque fois que ça part en vrille. La balistique ramasse les douilles quand ça tire au centre-ville. Rien de plausible, quand ça explose y'a pas de place pour la poésie. On te nous pisse à le sourire, t'as qu'à de la résine. Enterré vivant comme Shine SB n'a jamais courbé les chines. Couler l'encre de Chine avant les gires. Et la daronne se demande si je suis pas habité par un djinn. C'est signé le certificat de décès. À cette heure-ci j'ai besoin d'un humain plutôt que d'un médecin. T'as fait de moi un balisticien chez les musiciens. À nouveau sous le soleil on danse le tango des assassins. Derrière une épidémie y'a pas de vaccin. La thèse meurt chaque fois que tombe un nos fantassins. Patrimoine du ghetto. Oui oui si si. Brah. Vas-y, chante petite carbone. J'allume mon bar pour tous les mecs en garde. Vas-y, chante petite carbone. Patrimoine du ghetto. Nesbill d'ici dans 9DI. Haute nous pisse. Tandem Mac Tailleur, Socrate. Joe le balafré. Oui, c'est sûr. Ah ouais, Explosive Music. Et Mad Music. T'inquiète.